sur le sable, à la plage, à peine été. Soudain un tremblement m'a pas laissé de glace. Je me suis demandé d'où venait cette image. Je me suis demandé d'où venait cette image. L'ange devant mes yeux n'était pas une image. Elle a fermé les yeux, elle s'est approchée. Et je me suis penchée, on s'est embrassé. L'image du soleil brillait dans ma tête. Elle allait, elle venait, comme bon lui semblait. C'est certainement pour ça que je pensais voler. Pour soigner mes blessures, elle a posé ses lèvres. Après ça, le bonheur avait cet air-là. Ay, amor, mi amor. C'est l'amour. Je me suis demandé d'où venait cette image. Yeah, yeah. L'ange devant mes yeux n'était pas une image. Elle a fermé les yeux, elle s'est approchée. Et je me suis penché, on s'est embrassé. L'image du soleil brillait dans ma tête. Que je pensais voler. Pour soigner mes blessures, elle a posé ses lèvres. Après ça, le bonheur avait cet air-là. Mi amor. L'amour.